Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série. Le 4e épisode de la 24e saison et déjà le 838e numéro. Et attention, aujourd'hui c'est l'événement. Elle n'aurait pas été présente, on l'aurait présentée quand même en premier, mais là elle est présente, il faut surtout la présenter en premier. Donc veuillez accueillir chez vous la grande, la sublime, la belle, notre étoile, notre star, Manon. Non, alors c'est fou, moi je veux pas qu'on me présente comme ça. Je préférais t'appeler en dernier, c'est pour que ça soit comme ça. Et à mes côtés, bien sûr, j'ai Benoît et Sylvain. Bonjour, et bonjour à vous aussi. Alors... Ça fait tout de suite moins bien, quoi. Bah, c'est pas de ma faute, c'est toi qui as mis un pull avec une étoile, donc... C'est pas possible. Est-ce que c'est pour le retour de la Star Academy? Non, c'est pour le retour de l'Académie Fadjet. Ah, la semaine prochaine. Bravo, bravo. Ça, j'adore ce teasing. Non téléphoné, mais j'y pensais. Effectivement, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que l'Académie Fadjet, c'est la semaine prochaine, mais la Star Academy, c'est aussi le même mois, c'est le 18 octobre. Alors, j'ai pas vu les affiches de la Star Academy. Ah si, j'ai vu passer des images. Oui. Mais l'affiche de l'Academy Fadjet, hein, elle en jette. D'ailleurs, le logo de la Star Academy est oui, ils reviennent à l'ancien. Et doré, tout doré, comme le micro de l'Academy Fadjet. Oui. Donc, je ne sais pas qui a eu l'idée de dorer le logo, le micro de l'Academy, mais salutations, on est vraiment dans le vent. Et ça, le grand événement, c'est le week-end prochain, mais pour le moment, nous sommes dans Destination Série. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, vous aurez bien sûr le rétroviseur, secrètement vôtre, le 7 Actu, et bien sûr le Manon Série Quiz. Mais au cœur de cette émission, nous avons le mur des hits. Et pour le moment, je ne vais pas vous dévoiler la teneur de l'évolution du mur des hits. Je voudrais vous mettre en avant une chanson que j'ai entendue ce matin en allant tranquillement à mon travail. Et Benoît en est fan. Et il s'est dit c'est dommage, je l'aurais bien pris comme générique pour le retour de l'Academy Fadjet. Oui. Donc vous allez voir, cette chanson, elle nous plonge directement, elle nous promène au cœur de notre belle Lorraine. Et on se retrouve tout de suite après pour la présentation de la nouvelle formule du mur des hits. Destination Série avec Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Sous les toits de Nancy, les pavés chantent l'histoire. Les balcons en dentelle brillent au soleil du soir. À Metz, la cathédrale se dore en vitraux dorés. Et le vent sur la Moselle vient doucement murmurer. Se couvre de silence quand le jour disparaît. Adore mis la puce, elle murmure encore son nom. L'espoir dans une armure, un drapeau à l'horizon. Guitare flambée aux accents du Viens danser sur Alors, ça parle. Il s'appelle DJ Froid et ça s'appelle Dance Lore. Et voilà, moi je trouve que c'est j'aime bien. Et vous, de votre côté, vous adorez ? Un petit goût de déjà-vu. Un petit goût, oui, un peu Grégoire. Ça, comme je disais en antenne, ça ouais, sent un bon, peu Grégoire. Ouais, mais bon, ça parle de notre région. Moi, je trouve ça pas mal. Tout de suite, dans Destination Série, nous ne perdons pas une seule seconde. Voici le rétroviseur, les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Le rétroviseur 2.0. Alors, comme chaque semaine, ouais. Je vais vous donner le casting et vous allez devoir me trouver, remettre les protagonistes dans l'ordre. Oui. Ce qu'on avait dit qu'on abandonnait peut-être pour gagner du temps, mais non, tu préfères rester. Alors, ça sera la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Mais là, encore cette semaine, d'accord. On peut empiéter sur l'émission qui suit, on s'en fout. Donc, voici. Le respect. Voici le casting de cette semaine. Ça marche. Il y a Manon qui est déstabilisé. Bon. Voici le casting. C'est à vous de. On peut faire rapide. Hein. Non, le casting de cette semaine. Donc, je vous annonce que dans le rétroviseur, nous avons la stagiaire, Tracker, Enquête en famille. Nous avons aussi Simon Coleman et Montmartre, qui est cinquième. Moi, vous savez, j'ai un petit don de voyance. Et je devine qu'Enquête en famille a fait 3,6 millions oui. de... Mais ça nous dit pas à quelle place elle est. Je voulais juste placer l'info. Alors, c'est un don de voyance chez Prise Unique. Hein. Bah, donc, oui, je suis unique. Donc... je t'adore, Manon. Alors, qui est cinquième? Je dirais la stagiaire. Ouais. Moi, j'ai pas écouté les titres, donc. Parce qu'on a un problème avec Simon Coleman, hein, qu'à chaque fois on met cinquième et il est jamais cinquième. Ouais. Plus cinquième. Il était quoi, troisième? La stagiaire n'est pas cinquième. Alors, si c'est pas la stagiaire, on a Simon Coleman. Alors, c'est peut-être Enquête de famille. Oui. Enquête de famille n'est pas cinquième. Mais non, ça marche, c'est meurtre. Alors, il restait quoi? Tracker, Montmartre. Trackers, il fait quand même une belle audience, Trackers. Bah, il reste quoi, alors? C'est Tracker qui est cinquième cette semaine, à 3 334 000 téléspectateurs, 18,1% de part de marché. Un petit peu moins qui est quatrième. Alors, 3 millions 3. Stagiaire. La stagiaire fait plus d'habitude. Non, j'aimerais Enquête en famille, ils ont fait 3 millions 6. Ce n'est pas Enquête en famille. Donc, il y a un peu entre 3-3 et 3-6. Toi, Manon? Non, pas d'idée. Simon Coleman, parce que Simon Coleman a dévissé cette semaine. Oui, Simon Coleman est quatrième cette semaine à 3 353 000 téléspectateurs, 19% de part de marché. Un petit coup de mou pour notre Simon qui est troisième. On a influencé les gens la semaine dernière. Donc après, Enquête. Je vous félicite pas. Enquête en famille. La stagiaire. Non, la stagiaire est plus que 3-6. Je pense que Montmartre est premier. Donc. Ouais, mais bon. Pas parce que c'est bien. Ça faisait rond. Il est perdu dans ses chiffres. Oui, il est perdu. Non, parce que c'est madame qui. En plus, les chiffres sont pas bons. Donc, ce n'est pas Enquête à famille. Ah, on a regardé en venant. J'ai regardé, il y avait marqué 3-6. Ah, je sais pas. Moi, je vais sur le site de Médiamétrie. Ah, bon. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je vais à la source. Ah, donc c'est plus que 3-6. Donc en fait, qui est troisième cette semaine? Alors troisième, donc ça va pas être. Alors la stagiaire du coup? La stagiaire est troisième à 3 908 000 téléspectateurs. J'avoue qu'on a été un peu aidé. Près de 22% de part de marché. Qui est deuxième? Donc du coup, c'est Enquête en famille. Enquête en famille est deuxième à 3 947 000 téléspectateurs, 22% de part de marché. Quasiment autant que Montmartre qui a fait 4 millions 2, Montmartre. Ça. Et Montmartre est à 4 135 000 téléspectateurs. Même. Ouais. On a que des. Bref. Waouh! Je suis curieux de voir le score de Montmartre la semaine prochaine. Alors là, bravo. Là, je dis bravo parce que là, Enquête en famille mérite son audience. Je m'étais dit, j'espère qu'ils ont au moins 3,5. Presque autant que moi. À une poêle de cacahuètes, c'est pratiquement fait jeu égal avec Montmartre. Puis je voudrais m'excuser, mais je suppose que le budget donc est en famille n'est pas ce budget de Montmartre. C'est sûr hein que niveau alors, budget. Moi j'ai essayé de regarder Montmartre parce que bon voilà en faisant le site, la radio, le conducteur, j'ai essayé de regarder, mais nous faire croire qu'on est en 1899 avec un décor étriqué de Montmartre et voilà, on a l'impression, comme avait dit en off Sylvain, que c'est dans les mêmes décors. Puis en plus, c'est trop propre. C'est, voilà, c'est, on n'y croit pas. Oui. Ça date de, des années 70, voilà. 60-70, mais on y croit plus avec les brigades du TIC d'Antenne 2 dans les années 70 que là. Et c'est le problème à chaque fois, je le dis souvent, quand on a des reconstitutions, ça ne le fait pas. On a du mal à y croire qu'on est en telle année. Ils ont reconnu après, pour te couper, qu'il n'y avait pas assez de moyens sur la série. Bah, ça se voit. Et malheureusement, ça se voit. Ouais, ça se voit. On n'arrive pas, pardon, à être captivé avec les acteurs. Je sais pas, ils jouent, pour pas dire qu'ils jouent mal, mais il n'y a pas ce phénomène d'attraction qu'on avait ou pour Les Combattantes ou pour Le Bûcher des Vanités. Et bah, l'erreur a été de faire une comparaison avec Les Combattantes notamment. Les Combattantes, on était vraiment plongé dans l'époque. Et on avait des actrices, voilà, qui étaient fédératrices et qui on était emportées. Alors, on peut pas comparer ça avec Enquête en famille. Sauf que Enquête en famille, vous avez deux acteurs, enfin un acteur et une actrice, qui portent la série et qui ont des joutes verbales. Et ben rien que pour ça, les gens sont venus et ils ne sont pas déçus. Et je pense qu'ils reviendront. Après, on a la fille aussi, hein, la fille qui joue bien. Voilà, oui, c'est un trio. C'est en un fait. Trio. Non, mais je veux dire, effectivement. Objectivement, on aurait pu mettre une autre fille, ça aurait autant marché. Je veux dire, elle joue très très bien et je l'adore, Neyma. Voilà. Oui, on retrouvera son nom. Mais par contre, Bernard Lecoq, lui, il pourrait nous lire le bottin. Enfin, ça n'existe plus, mais lui, dans n'importe quoi, il est top. On a l'impression de revenir un peu à la bonne époque dans le cœur de la famille formidable, dans les bonnes années de la famille formidable, par son jeu. Voilà. Et puis Clémentine Célarier, c'est Clémentine, quoi. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est Clémentine, voilà, c'était le mot de la fin de ce rétroviseur. Dans quelques instants, nous aurons le nouveau Secrètement Vôtre, mais pour le moment, nous allons découvrir le nouveau mur des hits. Et à un moment donné, quand vous avez des punaises qui, à longueur de temps, vous disent « Oh, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est le faux mur des hits, il manque des briques, il y a trop de cases et compagnie », vous remettez en question et vous décidez de lancer une nouvelle formule. Alors, moi, attention. On est comme ça, hein, puisque... Alors, attention. Je ne dis plus rien, on vient de me traiter de punaise. Donc là, je ne dis plus rien. Alors, attention. Le mur des hits, désormais, tous les trois, là. Alors, c'est tous les trois, parce que cette semaine, on a la chance, le bonheur, la joie d'avoir Manon à nos côtés. Je bois. Mais tous les trois, voilà, le mur des hits, alors aujourd'hui c'est un peu jukebox, hein, parce que là j'ai tapé dans tous les côtés. Le mur des hits, maintenant, il n'y a pas que moi qui vais jouer au programmateur, vous aussi, vous allez être les programmateurs du mur des hits. C'est-à-dire que vous allez choisir votre case, une chanson va apparaître, et vous allez pouvoir dire « je zappe » ou « je savoure ». On avait un peu raison avec notre joker. Hein. Ah, avec notre... C'est-à-dire que si Benoît a le bonheur... On peut zapper combien de fois? Alors, c'est là où... voilà. Dans l'émission... Déjà dans l'Académie Fadjet. Dans l'émission, vous pouvez zapper une seule fois. J'avais dans l'idée de faire ça sur le mois ou partant de pleine lune ou par rapport aux marées, mais je me suis dit non, on va faire simple parce qu'après il va falloir prendre des comptes. Donc sur 60 minutes par émission, vous aurez chacun le droit de zapper une fois. C'est-à-dire que si Benoît a le bonheur de tomber aujourd'hui sur Tom Anders' Would You Love, il pourra dire je zappe et il aura le droit de choisir une autre case pour mais il y a un piège. Toutes les mais cases. Non, mais non, parce mais que non, la reine, c'est pas possible mais parce mais que non, non, il nous connaît. Il nous connaît. Moi, je vais zapper. Sylvain va zapper. Manon va zapper. Donc, ça oui, mais attends. Il y a que cette case. Hein, Tom Anders, je l'adore, mais je vais pas le mettre sur les 7. Donc, c'est-à-dire, prenons l'exemple de Benoît qui tombe sur Tom Anders. Quand Sylvain va choisir sa case, Tom Anders sera déjà éliminé. Est-ce qu'on peut zapper le choix d'un autre? Ah non, c'est chacun. Chacun fait sa sélection. Ah oui, c'est le zap du zap du zap. Non, non, non, on va pas non plus partir dans du grand n'importe quoi. Tu prends le zap de... Donc, c'est un concept nous intéressant. Allons, nous allons... Qui commence? Allez. Moi, je dirais Manon, puisque Manon, c'est rare qu'elle soit à nos côtés. Vas-y, là, il est donc, ne choisis pas la case numéro 6, parce que c'est la case de ton père. Parce que voilà, aujourd'hui, j'essaye qu'il soit content. Non, non, mais donc, tu peux, nous avons 7 cases, tu peux choisir... Commence, c'est moi qui commence, mais vas-y. Tu peux choisir toutes les cases, sauf la 6. Tu peux, non? Le 3. La case numéro 3. Donc, mon ouverture de case, elle est là. Et là donc, c'est Alizé, j'en ai marre, en concert. C'est un live. Tu zappes ou tu regardes? Ou on écoute? C'est un vieux truc, ça, non? J'en ai marre, Alizé. Si, c'était un... Ah non, ça vient de sortir, Benoît. Ah, c'est une nouveauté, hein? Elle rechante? Non. Mais non. Ah, oui, elle a d'accord. fait un concert dernièrement. Ça, c'est un ancien concert que j'ai sélectionné. Elle chante plus, Alizé, maintenant. Bah, si. elle a fait un concert anniversaire à l'Olympia, je sais plus là. D'accord. Oula. Donc. Bon, alors, on fait quoi? C'est ton choix, Manon. Assume, hein. Non, mais moi, je sais que je vais aimer aucune des chansons que. T'as une chance sur deux. Bah, c'est pas dit, c'est pas dit. Tu peux, tu fais ce que tu veux. Tu peux zapper, tu peux écouter, tu peux. Je zappe. Tu zappes. Oui, je zappe. Donc tu choisis quelle case? Je crois que ça va être rigolo en fait. Faut que je rechoisisse une case. On va bien aimer. Faut que tu rechoisisses une case. Mais là si je tombe sur du Tom Anders, on est mort. Ah non, non. Là si on tombe sur du Tom Anders, t'es mort. Ah oui, par contre là effectivement. Ah oui, puis... je vais suivre la lignée et je vais dire 4. 4. Alors, 4, parce qu'il faut que je fasse un truc. Il fait quoi, voilà. Là c'est bizarre. Non, mais c'est parce que mon tableau, après, il me gonfle. Donc là, c'est Al Corley, Square Room. Ah oui. Ouais, bah, pardon pour ça, de toute façon, on n'a pas le temps. Oh, Square Room. C'est ça, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. Des années 80, ça. Hein. C'est les années 80. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre. On a compris. Hein. Donc, et en plus... Et en plus, là, ça nous donne le plaisir d'accéder à un titre des années 80 qui est très court. Il dure 7 minutes 49. Oui, c'était un maxi à l'époque. Mais on n'écoutera pas les 7 minutes. Il chante plus, Al Corley, si? Pour moi, il chante plus. Ben voilà, mais hein, à l'époque... Alors, j'avais la version 45 tours. Non, mais c'est... Pourquoi j'ai choisi la version longue? C'était pour reparler de ces maxis qu'on avait dans les années 80. Exactement. Qui n'existent plus. Ouais. Maintenant, ça vient de la production en chaîne. Ouais. Et avant, on avait le plaisir, si on aimait une chanson, d'avoir sa version maxi. Et celui-ci, ça reste mémorable. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas toute la chanson, parce non. que 7 minutes, mais voilà. Ça permet aussi de présenter les doigts de... Voilà. On va faire une rappeler petite... les règles du mur d'élite aussi. On va faire une petite recherche qu'est devenu Al Corley. On va regarder, puis on vous dit ça après la voilà, chanson. Voilà. Et surtout, à un moment donné, vous allez vous demander qu'est devenu Sylvain, parce que il commence à me gratter et il risque de prendre la porte. Pourquoi? Il chante. Ouh là là. Alors, ce qui est bien avec les chansons des années 80, c'est que tu te rends compte que la nouvelle génération adore. Et donc, je vais m'empresser d'envoyer la version originale du 45 tours à Manon, qui apprécie fortement Al Corley. Al Corley qui a participé, tu as raison Benoît, dans Dynasty. Oui, je me rappelais plus. C'est lui qui a interprété le premier Stephen Carrington, avant que Gary Coleman, si je me rappelle bien, celui qui a joué dans Heroes, prenne sa place à un moment donné. Oui, et Al Corley qui a 69 ans maintenant et qui a continué non plus dans la musique mais qui est parti dans la production et qui a fait pas mal de films en tant que producteur. Et c'est pas Gary Coleman, c'est Jack Coleman. Et bien dans les maxi à l'époque on avait des ponts. Et là, Manon, elle kiffe, mais alors, mais c'est ce qui permettait, là, bah, justement, ce qui permettait aux animateurs, ce qui permettait aux animateurs de l'époque de parler. Oui. Non, mais c'est vrai, ça permettait de raconter. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui, finalement. Oui, mais permettait de dire un petit peu ce que devenait Al Corley, les remixes et machin, on évoquait ce qu'on peut plus faire maintenant, parce qu'il n'y a plus trop de remixes. Et maintenant, les disques sont très courts, hein. C'est de 30, de 40, de 50. Malheureusement. Si on a un 3-30, mon Dieu, il a fait un effort. Oui. Attention, installez-vous bien. Dans Secrètement Vôtre, ce soir, on va plonger dans deux univers où le danger rôde. Attention, Manon. L'un au ralenti, sur quatre roues high-tech. L'autre à toute vitesse, de guichet à guichet, au cœur d'un hôpital. Secret de tournage, anecdote insolite, vérité surprenante, promis, on n'a pas besoin de scalpel ni de GPS, ça tombe bien, pour vous guider dans cette nouvelle enquête de Secrètement Vôtre. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut, pas de bruit. Tu es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Alors on aura bien sûr reconnu le générique de K2000, je voyais Laurent Night danser. Rider. Night Rider, effectivement en anglais. J'hésitais à mettre un autre générique en vérité, parce que j'ai été surpris de savoir comment avait été composée cette musique. Ça a été composé à partir d'une musique classique qui s'appelle Marche et cortège de Bacchus et une autre musique d'un oublié des années 70, Harry Tuman, qui est avec le titre Andromeda. Et quand on écoute les deux, on a les deux thèmes et ils ont mixé les deux à l'époque pour faire le générique qu'on connaît. Mythique. Et c'est troublant. Et je voulais presque le mettre, mais je me suis dit non, ça va être un peu trop perché. Et on a Soul Machine qui a repris. Je voulais aussi mettre le générique. Le générique et sa façon. Je voulais être authentique, voilà. Et alors, il l'a sublimé. Donc, on parle effectivement de K2000. K2000, c'est entre 1982 et 1986. Ça représente 4 saisons, 90 épisodes. Alors, pour rappeler un peu pour cette série un peu ancienne, c'est un ancien policier du nom de Michael Long qui est gravement blessé et qui reçoit une nouvelle identité par un milliardaire qui s'appelle Winton Knight et le médecin qui soigne la blessure justement à la tête du héros. Je ne sais pas si tu te rappelles, Laurent, c'est Oscar Goldman. Oui. Ça m'avait fait tilt, c'est surprenant, voilà, qu'ils croisaient toutes les séries à l'époque. Et le nouveau visage... Bah, Richard Anderson, il a marqué donc avec L'Homme qui valait 3 milliards, le Super Jamie, parce qu'il jouait... Richard Anderson ? Hein ? T'as dit Richard Anderson ? Oui, pourquoi c'est... Si ? Vas-y, bah, je te laisse continuer, vas-y. Richard Anderson, dans L'Homme qui valait 3 milliards ? Oui. Non ? L'Imageurs. Non, mais moi, je parle de Oscar Goldman. Ah, pardon. Pour ça, je ne comprenais pas. Oscar Goldman. D'accord. Oui. Oscar Goldman, qui apparaît dans le pilote. Oui. Oscar Goldman, il a fait L'Homme qui avait 3 milliards, Super Jamie. D'accord. Et l'acteur, c'est Richard Anderson. Voilà. Oui. Oui. Je pensais à Richard Dean Anderson, c'est pour ça, excusez-moi. Bah non, Richard Dean Anderson, c'est MacGyver, c'est Stargate. J'ai pas encore été lobotomisé. Hein. J'ai eu un doute. Oui, donc. Et donc, tout ça pour dire que, bah, il a marqué dans les années 70 avec L'Homme qui valait 3 milliards, mais après, dans les années 80, on l'a vu dans pas mal de séries, comme Espion Modèle, je sais pas si tu te rappelles. Un peu moins. Avec Jennifer O'Neill. Waouh. Il était le patron de la cellule, enfin des espions, de Espion Modèle. D'accord. Bon, ben on y reviendra un jour peut-être, effectivement, dans notre rubrique. Donc tout ça pour dire que Michael Long devient Michael Knight, puisqu'il il se fait soigner par le milliardaire Wilton Knight. Et il hérite également d'une voiture équipée d'une IA qui s'appelle Kit. Ça, c'est ce qu'on connaît, mais il y a une petite histoire derrière. Et qui est capable, cette voiture, elle est capable de parler, de conduire toute seule et de résister aux balles et équipée d'un nombre incroyable de gadgets. Alors, je voulais faire une petite parenthèse très rapide sur les doubleurs, parce que celui qui double Kit, c'est Guy Chapelier, et qui double aussi Futé dans l'Agence Touriste, et qui double aussi Sam Beckett, qu'on a déjà abordé dans cette rubrique. Mmh. Et il y a le doubleur aussi de Michael Knight, donc de l'acteur David Hasselhoff, c'est Yves-Marie Martin, et qui doublait aussi Jeff Colby dans Dynasty, Apollo dans Galactica, et Rick dans Magnum. En fait, toutes les voix de l'époque sont familières, rien qu'à cause des doubleurs, c'est génial. C'est peut-être ça qui crée un affectif aussi à l'époque, avec les doubleurs, leur talent qu'on remet tout en cause aujourd'hui avec l'IA. Donc ça, c'était juste une parenthèse pour faire un petit hommage aux doubleurs de l'époque. Alors, parmi justement tous les secrets et les anecdotes de K2000, la musique, comme je l'expliquais, venait de deux titres qu'on écoutera un jour. Je pense que je les ramènerai pour qu'on les écoute. Oui, ça serait intéressant. Oui, non, mais c'est bluffant. Mmh. Et à l'époque, il faut savoir que Don Johnson, qui est connu pour Deux flics à Miami, avait été envisagé pour le rôle, mais n'a pas été retenu. C'est les 1m93 donc, de David Hasselhoff qui ont finalement été retenus. Et David Hasselhoff avait joué dans Les Feux de l'amour à l'époque. Il a été lancé par Les Feux de l'amour. Mais il n'avait pas beaucoup de carrière avant. Hein, donc c'était un pari. En mettant cet acteur, la production a eu du mal à l'accepter. Tout comme le nom de l'ordinateur, Kit, n'était pas le nom à l'origine. C'était TAT. Alors c'est un peu moins glamour. Ouais. C'était TATT pour Trans-American 10,000. Mais Pontiac a refusé parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'allusion à leur voiture Trans-Am de l'époque. Et Kit a été choisi pour Knight Industries 10,000. Ça, c'est la petite histoire de l'ordinateur. La Pontiac, justement, la Trans-Am, avait un tableau de bord futuriste qui a été designé par Michael Scheffe, qui est aussi connu pour le design intérieur de la DeLorean dans Retour vers le futur. C'est le même concepteur. C'est peut-être pour ça que c'était bien à l'époque aussi. Et encore maintenant, il y en a plein qui achètent des Pontiac et les pièces se vendent. Les tableaux de bord se fabriquent en série et les gens achètent les tableaux de bord et les installent et font leur kit en France. J'en ai croisé un à un salon. Il a fait son K2000. On voit moins de Pontiac que de DeLorean, mais bon. Bah, apparemment, sur le marché américain, ça se vend pas mal. D'accord. Bon, alors, je vais faire un tour. Là. Et pour le capot, également le laser rouge qui va de gauche à droite. Oui. Ça aussi, c'est une référence directe au Cylon de Galactica. C'est ça. Voilà, tout revient, enfin, toutes les informations se croisent avec tout le monde, comme à l'époque, ils recyclaient tout. Le tableau de bord, justement, qui est très détaillé, il est utilisé juste pour les gros plans, parce qu'il y avait d'autres voitures plus simples, ce qu'ils appellent les voitures de remplacement, pour les cascades et les poursuites. Et il faut savoir que par saison, ils utilisaient 40 à 60 voitures. Oui. Ce qui est énorme. Énorme. Mais il y a une raison à cela. C'est parce que suite à un accident de train qui transportait les Pontiacs, le studio en fait obtenait des transams de chez Pontiac souvent pour $1 symbolique. Mais il y avait une condition, c'est qu'à la fin du tournage, les voitures devaient être détruites. En vérité, il doit cinq véhicules a priori de tournage auraient survécu à la destruction qui serait chez les collectionneurs, mais à confirmer bien sûr, parce qu'ils en parlent peut-être pas beaucoup pour pas qu'on les vole. Oui, parce qu'il y en a certains qui disent qu'ils ont un original, mais bien en fin sûr. De compte, non. C'est une voiture de remplacement, en fait. Ou alors, c'était des voitures de présentation pour faire le tour des États-Unis pour présenter la série, mais elles n'ont jamais participé au tournage. Oui, comme dans toutes les voitures qu'on voit aussi. Pareil pour les répliques, ils répliquent tout, c'est normal. Bon. Et puis, comment conclure tout ça? Comment se termine K2000? C'est ça la grande question. Eh bien, K2000, le dernier épisode se termine justement avec Kit qui roule vers le crépuscule, vers une nouvelle aventure, mais qui n'aura jamais lieu. Il n'y a pas eu de vraie fin. Et oui, il n'y a pas eu de réelle conclusion. Et le final de la série n'est en réalité qu'une aventure de plus pour le justicier solitaire et sa fidèle monture. Alors, je ne suis pas fan des séries médicales, mais celle-là, c'est pour moi la référence. Et tu as raison, parce que Urgence, comme on l'a reconnu, a eu 124 citations aux Emmy Awards, ce qui n'est quand même pas rien. 15 saisons, 331 épisodes. Heureusement que c'était bien, parce que ça n'aurait jamais eu cette durée si ce n'était pas effectivement de qualité. Alors, cette série est écrite par Michael Crichton, qui est aussi l'auteur de Jurassic Park, qui est un ami de Spielberg, en l'occurrence. Et donc, c'est une série dramatique médicale centrée sur le service des urgences d'un hôpital fictif de Chicago. Elle explore les vies, les peurs, les drames, les raisons humaines et professionnelles du personnel soignant, confronté justement à des cas critiques, imprévus et souvent extrêmes. Alors, Michael Crichton, comme je le disais, avait écrit dès 1974 un premier scénario, justement, qui s'appelait ED et non pas ER, comme en anglais, ER, pour Emergency Room, eh bien, c'était ED, donc ED, pour Emergency Department. Et ça devait être sur 24 heures dans un service d'urgence. Ça vous évoque peut-être une autre série qui 24. Vient de sortir. Alors, oui, mais une autre série médicale qui utilise ce concept, c'est The Pit. Exactement, Benoît. Et c'est amusant que reboucle la boucle sur cette idée. C'est pas un gâteau, ça? Et donc ça a été jugé trop chaotique de faire justement cet épisode sur 24 heures et d'en faire un film pour le cinéma, et c'est sur les conseils de Spielberg justement qu'ils sont revenus à une série, et ils ont bien fait parce que ça a très bien marché et on a aimé. Alors, pour des raisons de budget, il faut le savoir, le pilote a été filmé dans un hôpital à Los Angeles qui était fermé en 1990, mais le tournage a été compliqué parce que cet hôpital avait la réputation d'être hanté. Donc, ils n'ont pas poursuivi, c'était juste pour le pilote. Du coup, ils ont arrêté de filmer dans cet hôpital. Et les quatre premiers épisodes, commencent de la même façon, de la première saison, bien sûr. Chacun des quatre docteurs principaux se fait réveiller par un cas urgent alors qu'il est en train de faire une nuit de garde, justement, dans une salle, en train de dormir, et il se fait réveiller. Et chaque épisode commence comme ça. Il n'y en a qu'un qui n'a pas eu cet honneur, c'est Georges Clooney. Il n'a pas eu ce privilège d'être réveillé comme les autres. Et ils ont juste fait ça pour quatre des personnages et ils ont abandonné l'idée après. Mais je trouvais que c'est sympa de faire cette introduction en présentant justement les héros de la série. Et tous les docteurs de la première saison, donc Georges Clooney, Noah Wyle, Julia Margulies, Anthony Edwards, Eric LaSalle, ont fait une apparition dans l'ultime saison 15 de la série. Et ça, c'est génial parce qu'ils savaient que c'était la dernière et ils sont tous réapparus pour une raison X ou Y. Ils ont fait un passage, ils ont passé une tête et ça fait du bien de revoir Doug Ross et même ceux qui étaient morts dans des hommages ou des des flashbacks. Juliana Margulie, on la découvre dans Urgence et quelques années plus tard, elle brille de mille feux avec The Good Wife. The Good Wife, exactement. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas faire trop long non plus. La petite anecdote amusante, George Clooney en a profité aussi pour faire entrer sa famille, hein, il ne s'est pas embêté. Il a fait jouer son cousin Miguel Ferrer, qui est très connu, entre autres, dans les films de David Lynch. Mais... Son voisin, sa sœur? Non, aussi sa tante, Rose Marie Clooney, voilà, qui fait une malade un peu rigolote dans la série. Bon, voilà, ils amusaient à placer leur famille, pourquoi pas. Les Urgences, c'est la série qui a connu effectivement le plus de bouleversements de casting, parce qu'en 15 ans, aucun des acteurs principaux des 9 premières années de la série n'est présent en tant que personnage régulier jusqu'à la dernière saison où effectivement tout le monde est revenu. Mais c'est vrai que c'est rare d'une série comme ça, où on prend les acteurs de départ, il n'y en a plus un seul au bout de 9 saisons. Et la série tenait encore. Mais bien sûr, parce que c'était la magie de la série qui ne tenait pas que sur les personnages, mais sur l'écriture. Et puis l'ambiance qui était très rythmée. On adorait, quoi. Et les histoires mises en avant. Exactement. Donc effectivement, comme je dis, ce n'est pas qu'un service hospitalier. C'est aussi une course contre la montre, une réalité qui était souvent crue d'ailleurs, parfois héroïque, et qui montre les héros qui ne portent pas toujours des capes, mais qui ont des blouses, des gants et une perfusion pour sauver leurs malades. Merci Sylvain. Mais ton service. Tout de suite, attention. Et là, c'est Benoît qui s'y colle. Allez, fidèle à ma tradition, je vais annoncer le 6. Un jour, ça nous surprendra, je suis sûr. Le 6. Alors, je nous allons... Je pense qu'il est hilarant qu'ils mettent Tom Enders en 6. Je m'en fous. On a peut-être deux derrière l'autre avec le Joker. Je zapperai, forcément. Il faut que je me rôde, hein, parce que je vous expliquerai après la technique, mais il faut que je me rôde. C'est pas simple, ce truc. Donc, là, pour ne pas être embêté, il faut que je fasse mon petit truc. Voilà, je te bloque, toi. Alors, là, on tombe sur Ace of Base, All That She Wants. Tu zappes ou tu regardes? Tu zappes ou tu savoures? Oui, allez, je vais passer parce que je... Faut pas user... Bah non, tu peux zapper. Oui, non, mais il peut zapper, il zappe bien. Pas. Si, oui. Jour, alors, tu savoures. Je savoure. D'accord. Oui, voilà, c'est pas... Mais voilà, je savoure. De toute façon, on n'ira pas au bout, hein, donc je veux pas casser l'ambiance, mais souvenez-vous, on est dans les années 90. Années 90. Hein. Et eux, ils ont trusté le haut du classement du Hot 40. Et ils étaient numéro 1 du Hot 40 à l'époque. Alors les Ace of Base, ils étaient 4, si je me rappelle bien. Oui. Il y avait deux sœurs, un frère et puis un mec qui passait, qui a été pris dans le duo. À savoir que Lynn, moi je m'en rappelle comme si c'était hier, à la base elle devait pas chanter, elle devait pas être mise en avant. Exact. Elle voulait juste être choriste. Et c'était donc Jenny qui devait former un trio avec son frère et le fameux Yulf. Et ça ne passait pas trop. Voilà. Et ils se sont rendus compte que finalement, il ferait mieux de la faire chanter. Bien mal leur en a pris, hein, parce que belle petite carrière dans les années 90. Oui. Voilà, un mais album c'est... qui a cartonné partout dans le monde. Hein, oui. Ça a même passé les frontières de l'Europe. Hein. Exactement. Mais alors, pour une personne qui ne voulait pas être mise en avant, c'est elle qui a fait, qui était le plus publicité, qui a fait le succès du groupe. Et on n'a pas oublié. 18h passées de 46 minutes, là maintenant, voici le 7 Actu. Et le 7 Actu, bon, on va pouvoir se permettre de zapper deux infos et de s'attarder sur une petite info concernant un célèbre shortcom. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site samedi.fr pour découvrir notamment, parce qu'il y a d'autres infos hein, qui sont dans le blog que je n'ai pas mis en avant, mais Benoît, si tu veux avoir d'autres infos qui sont tombées cette semaine, il y en a d'autres. Je ne manquerai pas d'y aller, effectivement. Mais là, on aurait pu vous parler de Hudson RX. John Reardon ne reprendra pas son rôle. Pourquoi il reprendra pas son rôle? Eh ben parce qu'on l'a laissé sur le bord du chemin. Il a eu un petit problème de santé. Oui. Il était pourtant en forme pour reprendre son rôle, mais la série a pris une direction différente et vous verrez prochainement derniers épisodes avec celui... Et en plus, cet été, son compagnon à quatre pattes est décédé, Donc voilà, ça fait plusieurs choses qui ont fait qu'il y a eu un bouleversement au sein de la série et peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils reviennent aussitôt. Et au vu du succès de la série, les producteurs ont peut-être décidé d'aller un peu plus vite et de prendre un autre angle. On aurait pu aussi vous parler du bilan de HPI, mais bon... on connaît les audiences, c'est un carton, mais je l'ai mis quand même en avant puisque c'était la fin. L'épisode numéro 7, on n'a pas encore eu les chiffres, ça devait arriver hier ou aujourd'hui, mais les épisodes en replay de l'épisode numéro 7, quand même 1,5 million de replay en plus, hein, de gens qui ont regardé en plus en replay, et ça mène donc l'épisode 7 à 6 millions, plus de 6 millions. 6 370 000 téléspectateurs. Sans doute que le replay du 8e a fait plus qu'un million et demi. Donc comme on était à 5 millions et quelques, on est prêt, à mon avis, pas loin des 7 millions qui ont vu le final. C'est quand même plutôt pas mal du tout. Et pour moi, l'info de la semaine, c'est Caméra Café qui bientôt sera de retour sur M6 pour une soirée inédite. Ouais. Pour ceux qui sont fans, qui n'ont pas oublié le shortcom, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais moi je trouve que... Enfin, perso, hein, moi j'aurais préféré qu'ils refassent une petite saison ou qu'ils les redécoupent comme c'était à l'origine, Caméra Café. Parce que là, ils avaient déjà fait une formule comme ça, retrouvaille, qui avait fonctionné modérément. Hein. Ils avaient fait les 20 ans, je crois. Ouais, ça avait... d'autres acteurs, je crois, dans les 20 ans. C'était aussi, voilà. Oui. Là, ça va faire un peu pareil. Hein. C'est une version 2x45 minutes, avec des invités également, avec un synopsis qui dit qu'ils ont maintenant âgé de plus de 60 ans et qu'ils ont comme ambition la retraite à taux plein pour une fin de vie au soleil. Donc voilà, ça va tourner autour de tout ce qui tourne de la retraite et tout. On attend les Deschiens, on attend Cécile Bois, il y aura plein d'invités qui vont émailler. On n'a pas de date de diffusion encore, mais je trouve que revoir Caméra Café dans sa formule d'origine aurait été certainement quelque chose qui aurait bien plu pour fêter le retour. C'est quoi là? On va fêter quoi là du coup? Non, il n'y a pas de spécial. Hein, c'est parce que les 20 ans, tu as raison, Sylvain, ils ont été fêtés. Donc c'est histoire de rallonger la sauce, on va dire. Et l'autre info qui est dans le blog sur samedi.fr, c'est Yellowstone, ce que l'on sait sur The Madison, le nouveau spin-off. Et alors moi, j'ai pas trop suivi, mais apparemment, il y aurait Michelle Pfeiffer dans le spin-off. Oui, c'est ce qui est annoncé. Bah oui, puisqu'il est pas dans le spin-off, il y a plus de il y a plus Kevin Costner hein, qui s'est fait un peu rappelez-vous, on a suivi l'épisode. Et il a monté les enchères, mais pour l'instant, il est parti, hein, c'est ça. Hein. Bah aux dernières nouvelles, c'est ça. Mais il n'a pas été rattrapé. Dans la bande-annonce que j'ai vue, il apparaît encore. Donc je sais pas. Mais en tout cas, il y aurait donc Michelle Pfeiffer dans. C'est pas rien. C'est pas rien. Après Kevin, Michelle Pfeiffer, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc je n'ai pas encore eu le plaisir de découvrir Yellowstone, mais apparemment, il y en a pas mal qui s'enflamment pour le spin-off de Madison. Donc, on verra dans les semaines à venir, notamment dans Ça ira mieux demain, quand l'émission reviendra en 2026, si ce fut une bonne idée, ce casting pour ce nouveau spin-off. L'affiche, enfin, l'image que tu nous as mis est alléchante, en tout cas. Ah oui, oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et donc, nous sommes arrivés à un point où ça va être l'événement de cette émission. Destination série avec Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Il fallait un compte à rebours pour... Et on zappe le mur des hits, du coup. Ah bah, si tu veux, il y a des priorités dans cette émission. Tu l'auras après, on pourra finir avec un mur des hits si on fait ça en moins de 9 minutes. Écoute, il y a des priorités. Non mais là, Manon, faut que je lui explique. Si jamais on passe pas Manon série quiz là maintenant, ça va être un scandale. Donc évitons le scandale. Ouais. C'est fou. Destination série... Le Manon série quiz. C'est fou de me voir comme une méchante comme ça. Mais du coup, bienvenue dans le 4e épisode de la saison 3 du Manon série quiz. Je suis là pour la 2e fois quand même. Voilà. Laura a marqué son premier point la semaine dernière. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Bravo Laurent. Ouais. Donc ça sera le seul point de la saison. Mais non. Nous sommes donc à 5 pour Sylvain, 4 pour Benoît et 1 pour Laurent. Et donc, comme je veux qu'il y ait de la compétition, cette semaine, nous aurons puisqu'il y a 3 trucs, mais nous aurons de la série TNT et de la série de plateforme. Alors la série TNT, Sylvain va être heureux. Ah ouais, il est aux anges là. Amical pensée pour notre camarade. Attention, ne croyez pas. Il va avoir de la chance, t'as raison. Oui, non, il regarde quand même des trucs sur la télé. Mais bien sûr. Hercienne, hein, donc. Bref. Mongeville. C'est fou ça. Bref, on va commencer sûr, donc. Si tu tapes du Mongeville, on a du mal nous. Hein. Allez. Avec un générique inversé, comme aime. C'est compliqué. Ça. Si jamais vous y arrivez pas, je l'ai à l'endroit aussi. C'est compliqué à l'endroit aussi. Ah ouais? Je sais pas. Bref. Il y a un petit blanc au début, j'ai pas réussi à l'enlever. Donc tu peux commencer maintenant et voilà. Ah d'accord, donc je peux lever. Et donc pendant. Donc voilà, c'est le générique inversé. Cat Size. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Bravo. Ah oui. On peut mettre en version parce que là, tu vois, c'est grillé la TNT là déjà. Oui, c'est ça, c'est déjà pas. Enfin, c'est on peut mettre. Oui, une version bon sens, oui. J'ai du nouveau sur la mort de papa. Papa, il est mort il y a 12 ans quand sa galerie a brûlé. Quelqu'un a volé les tableaux et a foutu le feu à la galerie pour se couvrir. Ce tableau, c'est peut-être notre seule chance de découvrir si on a tué papa. Attendez, on va quand même pas devenir des voleuses pour ça. Dis-moi que t'as rien à voir avec cette affaire de voleuse là. Je veux qu'elle comprenne que c'est très mal élevé de mettre le bazar dans le trafic des autres. Je vais me les faire. Comment t'as reconnu aussi vite? Bah pourquoi? Parce que je vais te dire que sur Disney+, ils ont sorti une nouvelle saison en animé. Et ils passent la bande-annonce à l'inverse. Et non, ils passent pas la bande-annonce que l'on connaît bien en français, mais c'est encore frais dans mon esprit. J'ai regardé le deuxième épisode aujourd'hui, c'est sur la plateforme Disney+, et c'est en animé, ça passe en ce moment, donc c'est très frais, ça m'a rappelé tout de suite l'ambiance. Et c'est la nouvelle? Alors, la nouvelle en animé, oui. Ouais, et c'est aussi bien que les années 80. Il n'y a pas le générique qu'on connaît. Ouais. Ça, c'est le générique original japonais. Ouais. Mais ça marche. Alors, c'est plus esthétique, propre au niveau de l'image. Mmh. Mais ça marche. L'ambiance est là, tout est là. Ça marche. Pour moi, j'ai regardé, j'étais content. Parce qu'ils avaient fait une première saison qui avait été un carton. Mmh. Ils en ont fait une deuxième qui était moins bien. Et qui, en fait, la série se termine pas. Elle est ouverte. Alors là, on repart sur le début, mais il y a pas d'explication de quoi pourquoi. Il part tout de suite dans l'ambiance, quoi. Mais franchement, je regarde, c'est bien, et c'est pour ça que c'était encore frais dans mon esprit. Merci, Manon. Pourquoi j'ai parlé de Cat Size aujourd'hui? Je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais dans Montmartre, il y a la Rousse. Oui. C'est une des trois sœurs, donc j'y ai pensé. Claire Romain. Je me suis dit voilà. Claire Romain, effectivement. Donc voilà. Il y a vraiment un rôle. La boucle est bouclée. Voilà. Oui. Un rôle triste. Oui. Pas aussi flamboyant que non. Du côté. Il n'y a pas grand chose de flamboyant. Si, l'affiche. Oui, l'affiche. Ah oui, l'affiche, oui. L'affiche. On est vraiment. Si, trois secondes de spectacle. Mmh. Okay, voilà. Moi, si je pouvais trois secondes, oui. Alors, il ne faut pas tourner la tête. Si je pouvais donner un indice, une aide, un tuyau à TF1, faites les affiches, pas les séries. Faites les affiches. Et comme ça, on est content, c'est bien. Bref, donc c'était bien Cat Size. Allez, la deuxième question. Trois mots, une série à trouver. Allez, oh, je suis bon là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, attention. Le premier mot est Arthur. Le deuxième mot est chevalier. Oh, bah oui, le troisième mot est Bretagne. Bravo, bravo, bravo. Ouais, bah là, mais Laurent, mérite, je l'ai en attrapé. Tu l'avoir aussi, ça. En intraveineuse, moi. Bah ouais. Oui, mais moi j'attendais, je vous dis, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Si, ça peut l'être. Il faut oser dire. Voilà. Ouais, mais moi j'attends. C'est toi qui m'as pris ça, Laurent. J'attends toujours, tu sais, tout le truc, je te laisse parler. Moi, couper, moi, je n'aime pas couper. Non, mais c'est vrai. C'est celui qui perd qui dit ça normalement. Ouais. Non mais moi je m'en fous. Alors là-dessus j'en ai rien à taper. Pas l'énerver. Mais mon tort, c'est que j'attends la fin du truc, tous les détails avant de. Alors moi ouais, je devrais expliquer les règles. Voilà, je vais mettre une nouvelle règle. On ne parle pas avant que j'ai fini. Très bien, j'ai compris. Non, mais c'est pas. De toute façon, la semaine prochaine t'es pas là, donc il fera le rebelle aussi. Hein. On est tous comme ça. Dès qu'on a la réponse, on a envie de la. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, ça creuse les points, là. C'est pas bien, tout ça. 7-4, oh là là. Bon, allez, la dernière. La dernière. Bon, j'ai piscine. J'attends la fin de la question. La dernière. Voilà, on a une chance, il attend la fin de la question. N'importe quoi. La dernière, c'est une charade, comme on les aime quand je suis bon, ici. Bon, bah là, du coup, c'est un peu difficile de pas attendre la fin. Oh, ça dépend. C'est celui qui trouve sur mon premier. J'avais trouvé avant la fin. Ouais. Oui, cette fois-ci, elle est assez facile. J'ai un peu galéré, mais ça va. Elle est facile. Ah. Donc, vous êtes toutouis. J'attends la fin. Bon. Ok. Mon premier compte 365 jours ou 12 mois. Mon second laisse une trace lorsque l'on marche. Mon dernier est la deuxième syllabe du contraire de grand. Mon tout est une série de Canal+. Moi, je l'ai. J'ai le droit de la dire. Empathie. Ah oui, bah oui, c'est Laurent qui l'a eu. Oui, enfin, c'est Sylvain qui l'a eu il l'a pas dit, mais il l'avait, hein, J'avais en pas et je. Oui, ouais, je vais pas. Je savais même pas que Canal+ avait une série qui s'appelait Empathie. Hein. J'en ai parlé. Hein si, il en a parlé. Bah, j'ai pas imprimé. Ah. Super série apparemment, vraiment. Encore mes copines m'en ont parlé, donc. Tu vois, et tu t'as toujours pas regardé. Non, j'ai toujours pas regardé. Mais donc c'était bien Empathie. Père aussi qui en a parlé. Donc je sais pas quoi faire moi, parce que du coup. J'ai rien dit. C'est Laurent. Non, si c'est Sylvain. Il avait trouvé Sylvain avant. Attends, c'est pas parce que je l'ai pensé que j'ai le point. On vit une époque, on suppute que et y en a un qui part. Il a pas dit le point. Le point, il a dit en premier. Donc le point va à Laurent. Mais le point il va à Sylvain. Franchement, moi je dis que. Il a même pas dit le mot. Il a pas dit le mot. Il l'a pensé tellement fort que. Il a bougé, donc voilà. Il a pas bon, allez, un point à Laurent, parce qu'il faut quand même qu'il ait un petit honneur à la fin. Et plus d'un point. Parce que là, c'est le dernier point qu'il aura de la saison. Ça va être très, très difficile. Hein. Je crois qu'on va être dans une galère. Je serai pas loin derrière toi à la fin. Ouais, mais tu sais, moi, de toute façon, c'est le but, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre dans une chanson Chacun sa chanson. Moi, j'ai été le premier vainqueur. Faut que je trouve un autre truc, une chanson. Faut qu'elle trouve un autre truc. Oui, pour Sylvain, il faut trouver un autre truc. C'est qu'à la radio, c'est un peu chiant. Ouais. Enfin, bref, voilà. Vaut mieux dire, c'est embêtant. Oui, pardon. Voilà, hein, parce que, excusez-moi. Voilà, nous rentrons dans l'heure de ton... Excusez-moi, il est 19h. Hein. Ouais, il est 19h, donc c'est l'heure mes de... Mes derniers 30 minutes de l'année, je vous rappelle. Oui, c'était une bonne année. Est-ce que je peux faire mon final pour mon podcast sur RCN? Oui, tu peux faire ton final. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine à 18h pour un nouveau numéro de votre émission Destination Série.